cavalier de lansquenet, mené par un seigneur de guerre. Ce sont tous des mercenaires. Ils dévastent le pays en colonnes infernales. Ils tuent avec tant d'appétit qu'ils semblent se nourrir. Ils ont le diable pour ami. Les hommes de Wallenstein aiment verser le sang. Les hommes de Wallenstein font la guerre de 30 ans. Les hommes de Wallenstein ne connaissent que l'horreur. Les hommes de Wallenstein sont patrie ni honneur. Ils vont le bataille en pillage pour affronter les réformés. Des Suédois il faut faire carnage pour voir le Christ. Avec leur mort comme témoignage, les hommes de Wallenstein aiment verser le sang. Les hommes de Wallenstein font la guerre de 30 ans. Les hommes de Wallenstein. De Wallenstein. Wallenstein pour la guerre de 30 ans.